Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain. La négritude, c'était trois hommes. Aimé Césaire, le Martiniquais, Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, et l'homme qu'on oublie trop souvent, le Guyanais Léon Gontran Damas. Ma rencontre avec Damas a été particulière. Il devait être 4 heures du matin. Avec des amis étudiants comme moi, nous sortions de boîte. Et sur le trottoir, un homme, petit, sec, très élégant, au regard perçant, est venu embrasser mon ami Marceau. J'ai appris quelques minutes après qu'il nous a quittés qu'il s'appelait Léon Gontran Damas et que c'était l'oncle de Marceau. Ainsi, c'était lui, l'écrivain, un des pères fondateurs du concept de la négritude. Aujourd'hui encore, je regrette de ne pas lui avoir parlé plus longtemps, dit toute mon admiration pour son œuvre, et notamment Pigment, un de ses premiers recueils de poèmes, censuré pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Dans le poème « Désastre », Léon Gontran Damas décrit parfaitement les leçons de bienséance que l'on inculquait à tout enfant de la petite bourgeoisie noire créole. Et j'ai beau avaler 7 gorgées d'eau 3 à 4 fois par 24 heures, me revient mon enfance, dans un hoquet secouant mon instinct tel le flic, le voyou. Désastre. Parlez-moi du désastre. Parlez-moi. Ma mère voulant d'un fils très bonne manière à table. Les mains sur la table. Le pain ne se coupe pas. Le pain se rompt. Le pain ne se gaspille pas. Le pain de Dieu. Le pain de la sueur du front de votre père. Le pain du pain. Un os se mange avec mesure et discrétion. Un estomac doit être sociable, et tout estomac sociable se passe de rot. Une fourchette n'est pas un cure-dent, défense de se moucher au su et au vu de tout le monde, et puis tenez-vous droit. Un nez bien élevé ne balaye pas l'assiette. Et puis, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, à la fin de chaque repas. Et puis, désastre. Parlez-moi du désastre. Parlez-moi. Ma mère voulant d'un fils mémorandum, si votre leçon d'histoire n'est pas sue, vous n'irez pas à la messe dimanche avec vos effets du dimanche. Cet enfant sera la honte de notre nom. Cet enfant sera notre nom de Dieu. Taisez-vous. Vous ai-je dit ou non qu'il vous fallait parler français? Le français de France. Le français du français. Le français français. Désastre. Parlez-moi du désastre. Parlez-moi.